Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Comme vous le savez déjà, du coup, les flics ont débarqué sur la zone à 3h du mat cette nuit. Bon, ils y sont toujours, hein, aux dernières nouvelles. Durant la journée, il y a plusieurs lieux, surtout à l'est de la zone, qui ont été expulsés et ou détruits. Juste pour dire, il y a au moins 80 rassemblements dans différentes villes de France. Voilà, donc on espère que ça va continuer, que ça va grossir là, la réaction en fait à ces expulsions. Très probablement ça continue demain, peut-être toute la semaine, peut-être encore plus, on ne sait pas. Et du coup c'est vraiment important qu'on apporte du soutien. Il y a quand même plusieurs arrestations, plusieurs blessés aussi. Du coup il y a besoin aussi de soutien devant les commissariats, que ce soit celui de Nantes ou ceux autour de la zone. Il y aura besoin de monde aux tribunaux de Nantes et Saint-Nazaire. En général, c'est 14h tous les jours, du coup, pour les comparutions des gens qui ont été arrêtés. Voilà, je ne sais pas si j'oublie des choses. Peut-être on peut signaler quand même que les grands moments forts de la journée, là, il y a eu des gens qui étaient montés sur le toit d'un hangar, qui se sont fait descendre. Il y avait 21 personnes qui avaient réussi à monter, qui se sont fait descendre petit à petit. Il y a un tractopelle qui a brûlé, il y en a un autre qui s'est embourbé. Voilà, peut-être on va lire un tract qui a été écrit ce matin. Encore une fois, l'État essaye d'expulser la ZAD. Cette fois encore, nous les en empêcherons. Au fil du temps, la ZAD a réussi à cristalliser l'espoir qu'un rapport de force contre l'État et les grosses multinationales est possible. Pourtant, ce qui s'y passe n'est pas extraordinaire. Partout où l'État tente de réprimer, de contrôler, d'expulser ou d'augmenter le pouvoir des patrons sur les travailleuses et travailleurs, des gens se rassemblent et des résistances s'organisent. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi la ZAD est devenue un tel symbole, nous espérons qu'une fois encore, sa défense puisse être un point de convergence pour toutes celles et ceux qui luttent partout pour un monde meilleur. C'est l'État qui expulse les camps de Rome, qui laisse mourir des milliers de personnes aux frontières, qui impose les mesures du patronat et qui réprime la lutte sociale. Et cet État exige un contrôle absolu du territoire qu'il revendique comme sien et des populations qui y vivent. Il voudrait même pouvoir décider qui doit y vivre ou non. L'État considère l'existence de la ZAD, si insignifiante soit-elle, comme un affront. Et c'est peut-être justement ce qui lui donne du sens. Le gouvernement sort tous les grands mots dont il dispose et prétend vouloir établir l'État de droit. Dans sa bouche, cette expression ne signifie rien d'autre que sa volonté que rien n'échappe à son contrôle. Nous sommes solidaires de toutes celles et ceux qui souhaitent continuer à habiter sur la ZAD, et en particulier de celles et ceux qui continuent à s'opposer sans compromis à l'État, qui ont refusé le jeu de dupes des négociations et qui ne cherchent pas à construire des projets qui pourront être reconnus par la loi. Nous vous invitons à rejoindre la résistance qui s'organise sur la ZAD ou à participer à la résistance sur Nantes. Pour cela, nous allons tenir un point d'information, d'organisation et de mobilisation devant la préfecture toute la journée et probablement les jours suivants. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a tenu un point d'information. Ça nous a servi de base arrière pour aller distribuer des tracts, pour aller coller des affiches, pour aller dans les tramways, mettre des affiches à la place des espaces publicitaires, faire des interventions. Et du coup, il y a eu un peu... pas énormément, mais il y a eu un peu des gens qui sont passés ici toute la journée. S'il y a l'envie, on va faire une assemblée générale après la manif. S'il y a l'envie, je pense que c'est quelque chose qu'on peut recommencer demain. Et ça peut être vraiment une base de départ pour penser à des blocages, pour penser à des occupations. Je pense qu'il faut pas qu'on soit perdant. Je sais que là, ça a été dur pour beaucoup de gens d'avoir l'impression que c'était dur de résister aujourd'hui. Mais en fait, on sait que dans toutes les villes, il y a des gens qui s'organisent. Il n'y a rien qui est joué encore. Et en vrai, c'est juste un rassemblement que la préfecture nous donne ici pour tester le rapport de force. Et je pense qu'on peut en faire un vrai rapport de force. Merci. On gagnera pour faire les expulsions. On a gagné. C'est pour brûler les criques et les pêcheuses.